Bonjour, ici David au micro en compagnie de Mona. Et aujourd'hui, on a décidé d'inverser les rôles, c'est-à-dire que c'est un intervieweur interviewé, parce qu'habituellement, je fais des entrevues, puis bon, j'ai interviewé Mona à plusieurs reprises. Et puis là, ben, c'est elle qui va me poser des questions. Donc, salut Mona, ça va bien? Bonsoir David. Oui, très bien. Très, très bien. Et toi, tu vas bien? Oui. Donc, au plaisir d'entendre ces questions. Oui, alors, ben, dernièrement, on va partir avec ça. On en parlait un petit peu avant le début de l'entrevue. Tu as fait quelques audios sur bénir, puis ça m'intriguait un petit peu ton processus. Tu me disais, bon, ben, ça, c'est la volonté de l'ego en rapport aux forces. As-tu le goût de me parler de ça un petit peu, qu'on questionne un peu cet aspect-là? Oui, Qu'est-ce que bien. t'appelles volonté de l'ego, premièrement? Oui, bien entendu. Je vais répondre à tes questions. Juste avant de mentionner aux gens qui nous écoutent, par rapport à toi, Mona, tu es professeur de yoga et pilates thérapeutique à une école, donc Yoga Centre à Montréal. Et en attendant à la fin du déconfinement, tu donnes des cours avec Zoom. Donc, les gens qui s'intéressent peuvent communiquer avec toi là, par courriel, advenant que vous aimeriez vous inscrire. Donc, c'est sûr que ça donne des possibilités à des gens plus au niveau international là, que strictement à Montréal, là, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Puis en passant, c'est yogacentre-cité.com le site et mon courriel, c'est info@yogacentre-cité.com. Oui, c'est international. J'ai des clients à Madagascar, Bruxelles, Martinique présentement. Excellent. Donc, Aussi merci pour ces précisions. Puis en même temps, bien, je voulais rajouter que tu faisais aussi de la consultation en matière de psychologie évolutionnaire. Donc, les gens qui auraient envie d'une consultation peuvent aussi te contacter par courriel, le moyen à prioriser à cette fin. Et voilà. Alors, on y va, mon cher David? Oui. Alors, tu me parlais de la volonté de l'ego et ça me questionnait, ça, cet aspect-là, parce que pour moi, j'ai une autre vision, mais allons-y. Qu'est-ce que tu entends par volonté de l'ego par rapport aux forces qu'on parle? Oui, exactement. En fait, pour bien contextualiser les choses, j'ai mis en ligne récemment deux enregistrements où je fais des bénédictions. Bénédiction, c'est quoi? Ben, c'est d'utiliser la volonté pour, au lieu de prier, comme les chrétiens faisaient autrefois, prier le bon Dieu pour peut-être obtenir des choses. C'est dans une optique de commander à l'esprit, commander à l'être pour que se réalisent des choses. Et c'est dans l'optique d'utiliser la volonté de l'ego pour mettre des choses en action. Donc, autrement dit, au lieu de vivre une canalisation du haut vers le bas, c'est-à-dire l'esprit vers la matière où l'ego est tout simplement un réceptacle, donc à sens unique, un peu comme ce que font les médiums dans le Nouvel Âge où la personne va canaliser supposément un archange ou une entité de haute évolution ou un maître spirituel qui a vécu sur Terre. Puis là, le maître, il dit quoi faire. Puis la personne est soumise à ça. Le mouvement est dans l'inversion ici. C'est-à-dire, c'est l'ego qui vise à établir un rapport de force avec, c'est le cas de dire, les forces, avec les plans de la lumière, avec sa contrepartie cosmique, son esprit, dans l'optique de faire actualiser dans son existence des éléments qui vont lui permettre de répondre à ses besoins. Donc, au lieu d'attendre passivement par rapport à un sauveur professionnel, Jésus, ou les anges, ou les extraterrestres, que des choses s'actualisent dans sa vie, il ose commander à l'invisible pour horizontaliser la Parfait. relation. Donc, Peux-tu te poser une petite question là-dessus? Vibratoirement, c'est quoi la différence? Est-ce que tu sens une différence entre commander versus demander ou bénir, si tu préfères? ouais, ben, bon, c'est sûr que il y a des gens, parce que là, j'ai eu une discussion aujourd'hui, entre autres, avec Manuel, qui me disait, mais regarde, bénir, c'est une couleur religieuse. Oui, parce qu'après tout, que ce soit le prêtre ou le pape, là, qui se posait être infaillible, bénissait les chrétiens, etc. Mais le concept derrière ça, peu importe la forme utilisée, parce que fondamentalement, ce qui compte, c'est l'aspect vibratoire, c'est d'utiliser son énergie puis de la canaliser en vertu de l'actualisation de quelque chose. Utiliser l'énergie qu'on peut capter, le feu intérieur qu'on peut manifester comme support vibratoire pour actualiser des choses dans notre existence. Donc, on peut utiliser différentes formes, mais c'est sûr que l'idée de demander, par exemple, je trouve que c'est plus timide que de commander au niveau du Oui, rapport de vivant, moi, force. je trouve ça plus fort, moi aussi. Commander, moi, je dirais Exactement. même passer un ordre. Oui. Passer un ordre de descendre dans la forme nos besoins, puis on les exprime. Est-ce que, ouais, c'est intéressant ce point de vue-là, parce qu'est-ce on peut ordonner, dans le fond, c'est la question que je me pose, est-ce que tu ordonnes à des hautes entités astrales ou à l'astral ou au contact? Comment tu vois ça, toi? Bien, fondamentalement, c'est de commander à l'esprit, mais c'est sûr qu'on peut ordonner aussi à l'astral, comme par exemple, si je perçois une entité astrale chez moi ou quoi que ce soit, bien, je peux lui ordonner de quitter sur le champ. Très intéressant, ça, cet aspect-là, David. Ben oui. Parce qu'on en vit, on vit souvent des formes d'astralisation qui deviennent de plus subtiles. On souffre peut-être moins d'apparence émotivement, mais mentalement, il y a encore beaucoup de polarisation dans le mental inférieur. Donc, on peut passer, selon toi, un ordre de dire à une entité, tu décris, oh, excusez, tu t'en vas. Non, Au non, revoir. t'as pas à t'excuser, parce que l'utilisation du jura québécois est précisément l'un des plus beaux outils de notre peuple pour être capable d'affirmer quelque chose avec puissance. Effectivement. Oui. Donc, décris, on peut passer la commande de décrisser. Il y a du monde qui a intérêt à le faire. C'est intéressant cet aspect-là, je Ben trouve. oui, exactement, parce que le vocabulaire avec le québécois que c'est jura, c'est un vocabulaire de puissance, de mise en puissance énergétique. Donc, tu sais, c'est pas Est-ce qu'on tu. pourrait, Oui. David, on peut instruire l'astral? Parce que moi, je vois ça un petit peu aussi comme ça. Il y a un jeu où pendant l'involution, l'astral nous a manipulés et instruits de plein de choses. Mais là, on dirait que ça s'inverse, puis c'est à nous de les instruire, pas rien que de décrisser, mais d'évoluer, parce que c'est un monde qui existe, hein, en passant. Le monde de la mort, ça existe vraiment. Ils ont une vie en dehors de la forme, mais ils vivent. Est-ce que toi, tu vois ça comme passer aussi un ordre d'évolution, qu'ils évoluent? Bien, certainement, en fait, l'être humain qui intègre la vibration de l'esprit va être capable de les ajuster, puis de participer à orchestrer éventuellement, c'est sûr, des réincarnations de ces êtres-là sur Terre. Les entités astrales vont bénéficier indirectement de l'intelligence de l'être humain parce que c'est nous autres qui vont les recadrer quand ils font des débordements ou qui vampirisent notre psyché, tu sais. Donc, à travers l'affirmation de soi qu'on peut faire pour contester le débordement, ben, ça va les forcer à s'ajuster, puis à quelque part devenir plus intelligents dans un sens. C'est sûr qu'ils ne vivront pas la fusion à partir du plan astral, mais ils pourront bénéficier de l'intelligence de l'être humain sur Terre pour les instruire qu'à quelque part, ils ne sont pas dans le réel, puis qu'il y a quelque chose qui manque, puis qu'éventuellement, ben, ils n'auront d'autre choix que de se réincarner pour parfaire leur processus évolutif, pour éventuellement monter en vibration aussi. Puis le fait que l'être humain va être capable de monter en vibration, puis eux autres sont capables de le capter dans leur sensibilité, ben, ça va leur donner l'indication qu'ils peuvent aller également plus loin dans l'intégration énergétique, étant donné qu'il y a des êtres humains qui vont là présentement, alors qu'ils sont en incarnation. Donc, ça va leur donner une forme de modélisation de qu'est-ce qu'ils peuvent éventuellement accomplir en revenant sur Terre dans le cadre du processus de la réincarnation. Intéressant. Mais s'ils ne se réincarnent pas, est-ce que tu vois aussi l'option qu'ils peuvent être instruits par nous, puis en même temps évoluer dans leur monde parallèle, Ben, sans attends, s'incarner? je vais apporter une nuance, OK? Vas-y. C'est-à-dire que l'être humain, de par sa capacité à canaliser l'esprit, va avoir une charge énergétique qui, eux autres, vont n'ont d'autre choix que de reconnaître l'autorité vibratoire de l'être humain, qui vont faire qu'ils vont être obligés de s'ajuster, étant donné que leur statut évolutif, leur niveau d'énergie va être plus faible que le nôtre, ce qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas s'opposer à notre volonté, étant donné que notre volonté va être chargée d'une énergie plus vitalisante que la leur, qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas. Un peu comme un lutteur, il y en a un qui est capable de soulever une charge plus lourde. Fait que c'est sûr que c'est lui qui a une ascendance sur l'autre. Donc, on est en position d'ascendance, puis ils ne pourront pas nous contester. Par contre, ils vont être obligés. Ça peut donner une certaine forme de micro-ajustement par rapport à certaines failles de l'âme, mais ils vont être obligés de se réincarner sur Terre pour intégrer l'énergie de l'esprit, puis que ça se fasse dans le cadre du processus de réincarnation, parce que le corps biologique sert d'interface médiatrice entre l'âme et l'esprit pour que la charge d'énergie se fasse. Parce que sur le plan astral, l'âme désincarnée ne peut pas se brancher directement à l'esprit. Ça prend la structure biologique comme étant une intermédiaire entre les deux, comme une espèce de structure éponge qui permet ça. Puis, ce que je veux dire, c'est que l'âme qui est désincarnée sur le plan astral ne peut pas intégrer l'intelligence de l'esprit, donc elle ne peut pas se renouveler d'une manière perpétuelle sur le plan créatif, ce qui va faire en sorte qu'elle peut bénéficier temporairement de l'intelligence créative de l'être humain sur Terre en fusion, mais tant qu'elle n'est pas capable de le générer par elle-même, elle n'a d'autre choix que de se réincarner. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité dans la fusion entre notre source et la matière que par la matière. Donc, il faut être dans la matière pour vivre la fusion. C'est ça. Présentement, j'en vois pas d'autres. Par contre, c'est sûr que les âmes peuvent bénéficier d'ajustements vibratoires temporaires de par les vivants qui ont un taux vibratoire plus élevé que celui qu'elles avaient dans leur dernière incarnation parce qu'ils sont en état de stagnation évolutive. Vu qu'ils ne sont pas en contact avec l'esprit, ils ne peuvent pas se renouveler créativement et rehausser par elles-mêmes leur taux vibratoire. Donc, ça veut dire que ça prend quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est plus élevé que le leur pour que, à quelque part, le niveau d'énergie soit plus ajusté en fonction de ça. Mais sans le support d'une volonté extérieure, ils ne sont pas capables de monter en ajustement, que leur structure soit plus harmonieuse sur le plan énergétique, donc ils sont limités. Puis éventuellement, il va falloir aussi qu'elle acquiert, ces âmes-là, une autonomie psychique, parce que les êtres humains sur Terre ne peuvent pas passer à l'éternité à les ajuster, à faire du maternage. À un moment donné, papa puis maman, c'est beau pendant une période de temps de la vie pour un être humain, mais éventuellement, il faut qu'ils volent leurs propres ailes. Puis c'est la même chose par rapport à ces âmes-là. Éventuellement, elles sont appelées à devenir autonomes. Ils peuvent pas être totalement encadrés par les vivants un peu plus évolués qu'elles sur le plan vibratoire. Donc, c'est très intéressant. Ce que je comprends de ton propos, c'est que on peut... Un, les instruire, ça c'est une chose, mais de toute façon, ce que ça nous permet, c'est de se dégager de cet univers-là, puis qu'on a autorité sur eux et non l'inverse qu'on a cru pendant 2000 ans. Exactement. C'est-à-dire que la nuance à apporter, c'est que l'être humain, à mesure qu'il intègre l'intelligence de l'esprit, il y a en proportion autorité sur les entités astrales qui ne l'ont pas intégré, étant donné que l'être humain à ce moment-là est supporté d'une énergie qui est plus vive, qui est plus créative que l'autre. Ce qui va faire en sorte que l'être humain qui aura intégré l'énergie de l'esprit est mis en échec par l'entité astrale, étant donné que l'entité astrale peut seulement utiliser les mémoires anciennes pour essayer de dominer l'être humain, alors que l'être humain, un peu comme un joueur d'échecs expérimenté, ben il peut penser plusieurs coups à l'avance, puis non seulement il peut se référer aux mémoires anciennes, mais il peut bénéficier de l'intelligence de l'esprit pour créer quelque chose qui échappe au schématisme qui existe déjà dans les antécédents au niveau mémoriel par rapport aux archives planétaires. Donc, c'est un petit peu comme ces entités astrales peuvent puiser dans l'Internet psychique, les archives akashiques que certains appellent, une espèce d'Internet astral. Mais s'ils n'ont pas ça sur lequel s'appuyer, ben eux autres, ils peuvent pas manipuler l'être humain à partir d'un matériel nouveau parce qu'ils n'ont pas la capacité d'initier quelque chose de nouveau, comme les nouveaux initiés qui intègrent la vibration de l'esprit. Fait que par définition, l'intelligence créative aura toujours une ascendance sur l'intelligence qui fonctionne en lien que l'accumulation ou la manipulation des formes anciennes dans une optique de domination. Intéressant. As-tu d'autres choses à ajouter sur ce sujet, sur cet aspect? La volonté, je reviens à la volonté de l'ego. Oui. Là-dedans, dans ce rapport-là, des forces qu'on parle, c'est quoi la volonté de l'ego là-dedans? OK. La volonté de l'ego, c'est de pas, pas de se faire chier par le contexte planétaire. Dans le sens que l'ego, il doit agir pour faire respecter ses besoins. L'un des besoins fondamentaux, entre autres, en période de pandémie, c'est de ne pas vibrer à la peur, de ne pas être étouffé, parce que beaucoup de gens qui sont confinés chez eux par des pensées de crainte, des pensées angoissantes. Oui. Donc, c'est de ne pas donner sa psyché en pâturage astral à des entités qui vont entrer là, puis qui vont foutre le bordel, puis qui vont nous amener à être de plus en plus possédés, dévitalisés. Parce qu'au moment où on fait l'entretien, ben ça fait plusieurs semaines que les gens sont en confinement. Puis il y a sans doute plusieurs personnes qui, chez eux, bien entendu, n'ont pas eu au préalable l'instruction de Bernard de Montréal au niveau supramental, à savoir ne pas croire, la pensée vient d'ailleurs. Fait qu'ils sont en train de se faire astraliser. Puis là, pendant ce temps-là, ben c'est sûr que, par exemple, les gens qui vont téléphoner à des lignes d'aide, que ce soit pour la violence conjugale, etc., c'est en hausse. Donc, il y a des problématiques, il y a des tensions liées à des tensions intérieures qui sont orchestrées par l'astral pour, à quelque part, se nourrir des énergies vitales des êtres humains qui vont vibrer à la peur puis à des émotions dévitalisantes. OK. Mais de comprendre que la pensée vient d'ailleurs, je pense qu'on est capable de le comprendre. Mais l'intégration de ça, tu nous en parles un petit peu, comment ça se fait? Dans le sens que pas parce qu'on a reçu l'instruction de Bernard, Oui. entendu l'instruction de Bernard, qu'on a intégré que la pensée vient d'ailleurs. Ça se passe comment, cet exercice-là? C'est un processus ou ça nous débarque comme un miracle sur la tête? Ça Ben, t'arrive? oui, ben c'est une question pertinente. En fait, moi, la façon que je vois ça, c'est à deux niveaux. C'est que la personne peut vivre différents chocs qui l'amènent à réaliser que c'est pas elle qui pense. Dans le sens que, par exemple, la personne, à un moment donné, est tannée de faire de l'insomnie, puis elle se rend compte que ça pense tout seul dans sa tête, puis là, ça lui dit, tu vas aller devant l'ordinateur prendre des notes, etc. Puis à un moment donné, elle se surprend, elle dit, ça va faire, là? Oui, c'est ça, c'est comme elle coupe le mouvement, puis là, elle se rend Est-ce que compte tu que. dis que c'est pas comme se faire des muscles mentaux, genre se faire c'est un exercice de au D'autodéfense début? psychique qui doit éventuellement Oui. s'opérer au sein de l'individu, mais au début, ça peut être un mouvement où la personne se révolte contre une situation qui n'a pas d'allure. Donc, ben, il y a plusieurs choses. T'sais. C'est sûr que la pensée vient d'ailleurs. C'est sûr l'expérience qu'on va dire entre guillemets télépathie. Tu penses à quelqu'un, puis simultanément, la personne t'appelle, puis elle dit, c'est drôle, j'ai pensé à toi en même temps, tu sais. Mais la pensée, c'est pas toujours télépathique, peu importe que ça vienne de la source ou de l'astral. Ben, en fait, ça, c'est une autre notion. Parce que dans le concept traditionnel de la télépathie, c'est quelqu'un envoie une pensée à l'autre. Tandis que si on porte la pensée vient d'ailleurs, ben la pensée provient pas d'un individu ou de l'autre, mais c'est plutôt une source qui peut acheminer simultanément à deux individus la même pensée, au même titre que quelqu'un peut envoyer deux courriels à deux personnes ou plusieurs personnes en même temps. D'accord, ça là-dessus, je te suis très bien. On peut-tu dire qu'une pensée, c'est une vibration, puis que c'est comme une forme de communication qui part de notre source, mais qui est peut-être un petit peu putanisée à travers le fait qu'on est astralisable ou astralisé? Oui, certainement. C'est sûr qu'il y en a qui vont parler de diffraction de l'énergie, donc dégradation de l'énergie de la source, étant donné que la personne n'est pas capable de la contenir. Donc, à ce moment-là, l'énergie est dégradée, elle est voilée et elle est colorée. Ce qui fait en sorte que des interférences qui vont se glisser entre l'être humain et la source parce qu'elle n'est pas capable de contenir la pureté de l'énergie primordiale, parce que sans ça, l'être humain se brûlerait s'il n'y a pas le réceptacle développé, là. Pour ça qu'on parle de processus, à ce moment-là, de l'intégration, parce que ça ne peut pas se faire d'un coup, cette affaire-là. Il faut apprendre à. Tiens, ça m'amène à une question. Oui. Comment identifier ce qui nous parle ou ce qui nous fait penser? Comment on identifie que c'est une entité versus notre source? Ben, la façon que je vois ça, c'est que, dans le fond, quand que c'est notre source, l'énergie va être plus vitalisante derrière la pensée qui va être acheminée dans notre conscience. Tandis que quand que c'est une entité astrale, moi, ce que je perçois, c'est dans le fond, mentalement, c'est comme si c'était une couleur. Tu sais, quelqu'un va dire quelque chose, je vais voir un peu de rouge ou de l'orange, ou tu sais, j'ai une représentation mentale de couleur associée à certains mots, où ce que je vois que l'énergie est dégradée. Tandis que quand que ça vient de la source, pour moi, dans la tête, c'est blanc, transparent, c'est clair, c'est limpide. Et l'énergie est plus forte. Tu sais, on peut prendre vibratoirement une phrase, comme par exemple, pendant la période de confinement, si ça me dit j'ai peur, puis je vis de l'anxiété à chaque jour, c'est pas pareil que si ça me dit intérieurement, il y a une pensée qui te dit que tu vis de l'anxiété, mais en réalité, c'est pas réel parce que c'est pas toi qui penses. Tu sais, il y a un autre niveau de On pourrait dire que communication. la source, moi, je ne sais pas, quand je vois ça comme informatif, une source, pour moi, ça nous informe de quelque chose, Oui. puis c'est sans coloration, c'est un peu l'histoire de ton blanc, moi, je trouve. Il n'y a pas de coloration dans l'information. Non, exactement. Tu sais, c'est pas de la propagande comme que ce soit les médias ou certains sites conspirationnistes qui des fois ils exagèrent aussi de l'autre côté. Parce que présentement, au moment où on se parle, le discours est très polarisé. Tu écoutes les médias de masse, c'est quelque chose, puis tu vois écouter des sites alternatifs, c'est totalement autre chose. Fait qu'il y a une très grande polarité. Fait que tandis que la source, il n'y a pas un souci d'impressionner. Il n'y a pas un souci. Aussi de, j'allais dire, faire de l'audimat ou avoir des codes d'écoute là, pour créer, être créateur d'émotions, puis de drames, puis de. Non, non. Il y a aucun aspect sensationnaliste lorsque ça provient de la source. Hein? Intéressant sur cet aspect-là, je pense que c'est important parce que moi, ce qui m'intéresse toujours dans le développement de conscience, c'est l'application de ça parce que Puis c'est des petits moyens qu'on peut se donner, entre autres, d'identifier qui nous parle, parce que ça nous parle dans le canal tout le temps. En tout cas, je pense pas que je sois seule à entendre tout ce que j'entends dans la vie. Puis c'est d'arriver à identifier ce qui nous parle pour pouvoir s'en dégager, justement, parce que. C'est ça, mais l'identification, c'est intéressant à un certain niveau. Mais en même temps, ce que je te dirais, c'est que, comme Bernard de Montréal l'a mentionné, entre autres, la source peut nous tester en nous envoyant une pensée stupide aussi. Fait Tout que à fait. l'identité, de la source de la pensée, on peut faire un certain travail d'épuration à ce niveau-là. T'sais, c'est sûr que si on reçoit la pensée, par exemple, passe les 15 prochains jours à pleurer chez toi versus à étudier ou à faire quelque chose de créatif comme de la musique, tu sais très bien qu'il y en a un des deux qui te met en action, puis c'est plus vibratoire que l'autre de s'appuyer sur ton soir, puis sur ton sort, puis dire que tu es une victime. Tu sais, ça, tu peux questionner la source, puis tu vois qu'il y en a une qui peut être moins ajustée, mais le point, c'est que par-delà de ça, un peu comme Bernard l'expliquait, c'est que si c'est intelligent, c'est intelligent. D'où la conscience critique, puis la capacité d'exercer une critique absolue, parce que après tout, on est testé à plusieurs niveaux. Il y a le plan astral, mais aussi notre source qui peut nous envoyer des pensées stupides pour voir si on aura l'intelligence de les reconnaître. Intéressant. Donc, ça sous-tend que même notre source veut en aucun cas dominer. Ben, en fait, c'est subtil, parce que dans le fond, à travers ça, l'esprit peut chercher à nous tester, mais c'est pas dans l'optique de nous dominer comme par exemple le plan astral qui vise à nous amener carrément au suicide, là. Oui, Donc, mais c'est ça que quand tu dis que la source peut nous, ou l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, pour moi, c'est oui, la décidé. source, ok, oui. On s'entend qu'esprit et source, c'est la même chose pour nous. Là, je viens de perdre le fil. Si notre source nous envoie une information pour tester notre croyance ou notre fascination, c'est aussi dans l'objectif de nous faire comprendre qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien qui doit dominer l'humain dans son bien-être ou ses besoins. Et que ça doit se faire à son rythme, à lui, tout ça, l'intégration. Tu sais, on va parler. Implicitement, ça va vers ça, mais ça ne se fait pas nécessairement d'une manière explicite. C'est ça le point. C'est que, dans le fond, l'être humain est amené lui-même à parvenir à cette réalisation-là. Parce Comment? que. Par l'expérience, comment il fait ça? En expérimentant? En fait, c'est oui, à travers de son vécu, des chocs, les contrariétés du quotidien, puis du développement d'un rapport de force de plus en plus ajusté vibratoirement entre lui puis sa source, qui va se dévoiler progressivement à mesure qu'il développe la contenance d'intégrer son énergie à force qu'il intègre les chocs suffisants pour connaître les descentes d'énergie, parce que ça va dans les deux sens. Plus qu'il est capable d'intégrer des chocs, plus que la source peut descendre en lui, puis plus qu'à ce moment-là, il peut avoir du dévoilement des éléments qui proviennent de sa source, qui va faire en sorte qu'il va être capable de lever des voiles astrales qui jusqu'alors le gardaient dans un état d'ignorance et d'inconscience. Donc, pour envoyer des chocs comme on parle, ça demande un corps physique assez solide. Exactement. D'où la raison pour laquelle je suis heureux de faire maintenant la promotion d'un enregistrement du yoga des voyelles qu'on a réalisé récemment, qui favorise la vitalité du corps, puis aussi de l'expression orale, la gorge qui est mobilisée. Donc, vous pouvez écouter un extrait promotionnel sur ma chaîne de YouTube de cet enregistrement que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec toi. Et les gens, ben, c'est sûr qu'ils sont intéressés, ben, je vous recommande là, fortement là, de vous le procurer naturellement pour faire cette session-là de yoga. Mais à part cette petite annonce, oui, c'est important que l'ego soit groundé, enraciné dans la matière. Et en santé, là, je te dis ça parce que je reçois beaucoup de gens qui en coaching qui sont vraiment en mauvaise condition physique. Et c'est pour ça que je questionne tout ça parce que on ne peut pas s'intéresser aux forces et au travail de la conscience si notre corps physique n'est pas capable d'absorber ces énergies-là. Donc, pour pouvoir, la question que je me pose, c'est pour amener à avoir plus d'énergie qui vient de notre source, plus de contact avec notre source, il faut repartir de la base qui est le corps. Même si on fait pas, je fais pas, je suis pas du genre à faire une vénération du corps, là, c'est pas dans ce sens-là, mais je défends l'idée que c'est important d'un corps en santé avant tout. Avant même de parler de conscience de tout ça. Ben, c'est favorable. Par contre, c'est pour une obligation, une nécessité, dans le sens que quelqu'un peut vivre la fusion. Il peut avoir un surplus de poids, tu sais. C'est pas Dans une. la santé, le surplus de poids, ça n'a pas rapport. Je parle de la santé, je parle pas de conditions physiques, là. OK. Je parle de quelqu'un en santé. C'est très distinct, mais on précise, non, mais c'est intéressant, ça oblige à être plus précis. On associe une bonne condition physique à la santé. Non, c'est pas réel. Un corps en santé, ce n'est pas que l'aspect physique, je suis d'accord. Donc, parlons-en justement, c'est quoi tous les aspects qu'il faut tenir compte. Oui, exactement. C'est sûr qu'à ce niveau-là, je pense que toi et moi, on rejoint beaucoup la vision holistique de la santé. C'est-à-dire, c'est sûr, prendre soin de la dimension du corps biologique, physique, mais aussi du corps émotionnel. Moi, je vais appeler ça le corps intellectuel, puis bon, certains vont appeler ça le corps spirituel ou le corps d'énergie. Donc, les différentes composantes, puis de la multidimensionnalité de l'être humain. C'est sûr que c'est favorable parce que le corps, c'est un petit peu comme un véhicule. Fait que si le conducteur veut être capable de conduire le véhicule puis être capable d'utiliser au maximum de son potentiel, ben idéalement, il faut que je sois en bonne condition, il faut que les pneus soient changés, il faut que les pneus soient capables de bien rouler, les freins fonctionnent, etc. Donc, idéalement, ça prend un véhicule qui est très ajusté pour donner un rendement. Donc, c'est un petit peu la même condition. Fait que c'est important que toutes les dimensions qui composent notre être soient prises en considération naturellement. Ouais. L'importance de prendre soin du corps physique, vital, émotionnel et mental, tout cela en équilibre dans le fond, Oui. qui permet de recevoir, parce que pour moi, la source, l'énergie qu'elle s'envoie, c'est très électrique. Alors, si en bas, c'est pas aligné, il y a un méchant, ça switch dans toutes les directions. Il y a une diffractation, comme on vous dit ça. Diffraction. Fraction, Oui, hein? c'est diffraction, pardon le mot, parce que moi je disais des fois diffraction, puis je me suis fait reprendre par une personne en Europe, puis elle avait raison. Oui, c'est diffraction, le vrai terme français, oui. Un nouveau mot dans mon dictionnaire pour moi. C'est bien. J'aime ça apprendre. Donc, une diffraction, c'est très, je reviens à l'idée que c'est très électrique ce qui descend quand notre source, c'est beaucoup d'énergie. Puis pour pouvoir absorber ces énergies-là, je reviens à ça, c'est très important d'être en équilibre Bien, dans nos quatre corps c'est intérieurs. préférable, mais le point, c'est que, comme j'en discutais déjà avec un ami, que lui, dans le fond, il a fait des cours de yoga et des choses d'entraînement, j'ai dit quand même que tu donnes la meilleure formation en matière de développement physique à un être humain, s'il n'est pas marqué pour fusionner, il ne fusionnera pas plus, là, même si tu donnes les conditions optimales au niveau physique, là. Tout à fait d'accord avec ça. Puis je dis même que souvent des gens qui méditent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de contact, mais ça, je vais m'arrêter là. Alors, j'ai une autre petite question pour toi, David. Oui. Est-ce que tu aurais parce qu'à travers tout ça, il y a aussi, je pense qu'à travers tout l'échange qu'on parle, il y a un lien avec la transparence. Oui, bien sûr. Le travail de transparence de l'ego dans nos vies. Puis la question que je me pose, c'est quoi la transparence de l'ego? Qu'est-ce qu'on appelle transparence de l'ego? J'aimerais ça qu'on en parle ou que tu en parles, toi. C'est toi que je questionne, alors c'est toi qui parles. Oui, bon, ben, merci de me donner ce privilège. Donc, Quoi oui. transparence de l'ego? Qu'est-ce qu'on Oui, entend par là? OK. La transparence de l'ego s'appuie sur le principe que dans le cadre de l'évolution, l'ego, un peu à l'image d'une lentille, a assez, dans le fond, voilé. Donc, l'ego, tant qu'il n'est pas capable de supporter le réel, c'est-à-dire la source directement, il ne peut pas être transparent, puis c'est intelligent qu'il ne soit pas. Donc, c'est un petit peu comme, par exemple, de porter des lunettes fumées qui vont nous protéger de la force trop grande des rayons du soleil qui vont empêcher à ce moment-là qu'on ait mal aux yeux, qu'on soit aveuglé. Donc, l'idée que l'ego, à la base, lorsqu'il connaît le processus d'évolution, c'est-à-dire de la descente de l'énergie dans la matière, l'ego étant une partie de la source projetée sur le plan matériel, puis en abaissant son taux vibratoire, bien, la communication que la partie plus élevé qui n'a pas passé à travers le processus d'incarnation qui est resté sur le plan éthérique est très difficile. D'où le fait que à ce moment-là, il y a un voile qui s'installe parce qu'il y a de la difficulté à supporter cette lumière-là, comme un peu un soleil qui est trop fort. Un filtre Oui, aussi, c'est pas des ça, filtres. qu'il y a un filtre qui s'installe. Mais à mesure que l'ego développe en maturant, en vivant des expériences, en développant une sagesse au niveau de l'âme qui est éventuellement le tremplin pour une évolution vers autre chose, à mesure que l'ego se construit et devient capable de plus en plus d'intégrer l'énergie, à ce moment-là, ça devient intelligent, qui devient transparent pour capter de plus en plus avec précision l'énergie puis la traiter. Donc, à ce moment-là, les voiles qui étaient là pour le protéger temporairement d'une trop grande quantité de lumière, parce que si l'ego est exposé à trop de lumière, un peu comme quelqu'un qui est exposé à trop de chaleur, il va griller. Non, mais il y a eu quelques cas d'âme sur cette planète de grillage, oui. Donc, La combustion instantanée, là, je ne sais pas trop, il y a du monde qui a été brûlé de même. Oh, ben, il y a des cas qui ont été relatés, mais ce n'est pas l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, la transparence de l'ego est en relation avec le processus d'évolution qui a amené à ce que l'ego développe une espèce de voile, une espèce de structure astrale qui se rapporte à lui, puis un orgueil. Puis, à mesure que l'ego devient transparent, puis à mesure qu'il faut qu'il aille par-delà l'orgueil qui lui donne un faux sentiment d'identité reposant sur sa relation avec le plan astral, puis qui se dépollue du plan astral, qui lui sert de voile à filtrer la trop grande lumière qui provient de l'esprit, qui occasionne un différentiel énergétique trop grand entre lui puis sa contrepartie cosmique. Mais à mesure que c'est ça qu'il est capable d'intégrer à travers des chocs, des événements, une plus grande charge d'énergie, bien à ce moment-là, le voile, un peu comme la béquille ou la lentille, ça devient un accessoire qu'on peut délaisser pour intégrer l'énergie à la base. Puis à ce moment-là, ça devient pertinent que l'ego devient transparent. Puis là, il y a un travail de dépollution et qu'en son sein, l'énergie astrale soit remplacée par l'énergie du plan éthérique à travers le processus de la fusion puis la descente de l'esprit. Donc, il y a un changement de chiffre. Donc, l'énergie astrale qui était là est remplacée par celle éthérique. Puis, à ce moment-là, l'ego est appelé à devoir de plus en plus clair. Et la transparence, c'est la capacité aussi de l'ego d'être libre de l'esprit de la domination qui l'associait aux forces astrales, que ce soit satanique, luciférienne, qui l'amenait à se croire plus grand que la source. Tandis que dans le processus de l'intégration d'énergie de la source, où ce que l'ego devient transparent, bien, il réalise qu'il n'y a pas à dominer la source, mais il a égalisé sa relation avec elle, ce qui peut impliquer de réajuster le rapport puis d'y commander. Mais c'est dans un esprit de faire respecter ses besoins et non pas de créer une espèce de dictature cosmique à l'image du plan satanique ou luciférien. Donc, l'ego qui devient transparent cherche pas à dominer, mais il ne se sera surtout pas dominé, que ce soit par sa source ou des entités astrales ou des êtres humains physiques ou extraterrestres ou peu importe. Donc, mais si la source, oui, je fais l'avocat du diable, si la source est intelligente, je comprendrais mal que notre source veuille nous dominer. Ben, c'est pas intelligent la domination. Donc, si une source, si on pense qu'une source veut nous dominer, c'est déjà un problème de perception. Au mieux, on convient avec la source, mais je pense pas que la source veut nous dominer, elle peut nous tester, je suis d'accord, mais la source teste dans la mesure où il y a quelque chose à tester. Non, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est intéressant la question que tu poses. Le recadrage que je ferais, c'est qu'en effet, on ne parlera pas de domination comme parce qu'en réalité, la source n'a pas d'orgueil qui permettrait c'est de dominer. Le but, c'est pas de dominer, c'est de fusionner. C'est ça. Par contre, implicitement, ça, j'avais déjà une discussion avec quelqu'un, puis c'était intéressant parce qu'il m'avait ajusté là-dessus. Parce que ça, j'avais employé l'expression que la source domine un peu comme dans l'esprit où ce que certaines personnes vont le parler. Mais en réalité, ce que la personne m'a ramené au fait que en tant qu'ego, tant que l'énergie de la source est fascinante pour moi par sa créativité, par sa force, sa puissance, ben quelque part, à travers le processus de la fascination, je peux vivre une forme de domination par la source, dans le sens que je la mets sur un piédestal, dans ce sens-là. Mais la source en tant que telle, je ne cherche pas à dominer, mais c'est vécu comme une domination par mon ego parce qu'il n'y a pas la capacité d'intégrer l'énergie instantanément puis de se sentir égal à la source. Dans le sens que tant que mon ego se sent petit à comparer de cette intelligence-là créative qui a tout le temps des idées puis des choses, si je me rabaisse par rapport à ça, je suis dominé par le fait que je me sens petit puis j'y réfléchis mon rapport à ça en me sentant inférieur. Mais si je n'astralise pas mon rapport avec la source, en effet, la source en tant que telle, je ne cherche pas à dominer. OK. D'où l'importance d'un nettoyage qu'on parlait de l'ego tantôt, afin qu'ils deviennent plus transparents puis que l'ajustement puisse se faire tranquillement parce que c'est effectivement une perception qu'on a que l'esprit est dominant. C'est parce qu'on parle, là, ça nous amène au libre arbitre. Ah. Oui. Il y a quelque chose dans l'ego qui est très long à perdre, à mon avis. C'est la question du libre arbitre, du libre choix. L'illusion du libre arbitre. Oui, certainement. Parce que le libre arbitre, c'est un baume qui a permis à l'individu d'accepter les conditions d'évolution sans se révolter. Mais on n'a plus besoin de libre arbitre puisqu'on devient libre. Parce que, non? Oui, ben, dans le sens que, excuse-moi, je viens de prendre une gorgée d'eau. Ben, à mesure qu'on intègre l'énergie de la source, on est libre dans l'accès au savoir qu'on n'avait pas autrefois parce qu'il nous était voilé par notre ignorance, par notre contact avec le plan astral. Mais en même temps, le fait de sortir d'une programmation astrale, puis à mesure qu'on intègre l'énergie de l'esprit, fait qu'on va être régi plutôt par une programmation. C'est une façon de le dire, là, mais on va être régi par l'énergie de l'esprit. Donc, ça va être plus intelligent, mais on n'est pas libre dans le sens que indépendant du plan astral et de l'esprit. Non, non. Mais moi, je dis tout le temps que l'ego convient, en final, finit par convenir avec l'esprit plutôt que de Oui, fuir l'esprit. je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est sûr que dans le fond, convenir avec l'esprit, c'est comme reconnaître que de l'intelligence, c'est intelligent. Tandis que convenir avec l'astral, ben, c'est comme de se soumettre à une dictature là, planétaire là, avec des forces qui cherchent à nous étouffer, à nous amener à être dans un état de soumission ou d'esclavage psychique. Puis ça m'amène, t'as parlé un peu de ça, mais là, moi, ça m'amène à ça, justement, on parlait de verticalisation du contact versus l'horizontalisation du contact. Tu veux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Comment Oui. ça se passe, le processus de ça? Est-ce qu'on commence par la verticalisation, ça se verticalise au début, c'est vertical, à un moment donné, ça rentre à l'horizontale? Y a-t-il un processus? Ben, c'est-à-dire que c'est unique pour chaque être humain, mais en général, les êtres humains, quand ils reçoivent ou vivent une descente d'énergie de l'esprit, ben c'est souvent, c'est ça. Ils vont mettre l'esprit sur un piédestal à la verticale, puis eux autres vont se sentir plus bas. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tant qu'il y a ce rapport-là, ben, il y a un déséquilibre énergétique entre les deux éléments, parce qu'il y en a un qui se sent supérieur, on va parler d'ailleurs du moi supérieur, puis l'autre, ben, c'est quoi? Ben, implicitement, c'est le moi inférieur. Fait que, à quelque part, cette dynamique-là est déséquilibrée, au même titre que dans un couple, s'il y en a un qui se sent supérieur, que ce soit l'homme ou la femme à l'autre, il y a un volet qui est pas horizontalisé ou égalisé. Puis éventuellement, l'être humain doit égaliser sa relation avec l'esprit parce que tant qu'il se sent inférieur à l'esprit, ça l'empêche d'être libre de la fascination que l'esprit peut lui procurer. Et ça fait en sorte que quelque part, la personne vit une forme de possession parce que l'énergie de l'esprit est plus grande en tant que volonté que sa volonté individuée. Puis c'est pour ça que l'ego doit développer une volonté aussi grande que celle de l'esprit pour pouvoir l'égaliser et que les deux volontés éventuellement fusionnent pour devenir une seule volonté qui sera l'expression des besoins réels de l'individu intégral qui sera le fruit de ce mariage. Oh, que c'est bien dit. Mais c'est pas moi qui Voilà. pense. Ça me dit ça. C'est Tu sais, c'est pas le intéressant. vendredi, c'est pas le jeudi, c'est samedi, ça. Me dit que, puis je dis des fois, il y a dimanche aussi. Ouais, c'est ça. Ça me dit que, oui. Mais c'est intéressant, la Mais c'est intéressant verticalisation. parce que ça nous ramène à la question de départ que tu m'as posée sur le développement de la volonté de l'ego. Parce que ce On vient. mouvement-là est fondamental parce que tant que la volonté de l'ego n'est pas égale à celle de l'esprit, l'ego est tout le temps fascinable par l'esprit ou, dans le fond, il peut vivre un état de possession par rapport à lui parce qu'il n'est pas capable de mettre un stop. Puis ce que j'expliquais à quelqu'un récemment, c'est que l'ultime fascination de l'être humain, c'est pas pour des gadgets qu'il voit à la télévision, mais c'est par rapport à sa propre source puis la créativité. Parce que c'est très enivrant de la créativité. Ben Ça, oui. c'est intéressant. C'est pas parce que c'est créatif que c'est intelligent. Aussi, exactement. Parce que moi-même, ça m'a amené à faire de l'insomnie pendant plusieurs années, me réveiller à 2 h du matin, aller prendre des notes sur des idées créatives que j'avais, des idées d'émissions. Puis si on n'est pas capable de mettre nos limites, ben ça peut être très envahissant dans notre vie. Puis, à quelque part, si on ne met pas un frein, on ne joue pas de la vie parce que le temps que Je fais, bon, l'enregistrement présentement, c'est plus ajusté qu'avant, mais tu sais, je veux dire, si, mettons, je prends tout le temps en note des idées, puis je me nourris plus adéquatement ou négliger les besoins physiologiques. Tu sais, d'ailleurs, il y a des gens qu'on m'a rapporté là, qui vivaient un processus de fusion, puis à un moment donné, ils n'arrêtaient pas de parler, puis là, ils oubliaient d'aller se coucher pour aller travailler le lendemain ou de manger. Tu sais, ça peut amener des déséquilibres dans le rapport au biologique, d'où l'importance, comme tu le mentionnais tantôt, de s'occuper de la santé. Puis ça peut passer à travers le yoga, mais différents moyens pour que la personne puisse être équilibré dans la matière. Fait que ça, c'est l'élément fondamental à protéger, à s'occuper, en fait, lorsqu'on vit le processus de la fusion, parce que si la personne est juste en contact avec une énergie éthérique puis est possédée par ça, ben, elle n'aura pas l'enracinement requis pour avoir un vécu d'une manière adéquate sur le plan planétaire puis jouir de sa vie, là. Oui, puis le terminal, le corps n'est plus disponible non plus. Alors, je perçois à moyen terme une déconnexion de l'esprit avec ces gens, ce genre-là, parce que ça ne peut pas se fusionner dans la matière quand on flotte. Non, exactement. Puis ce qui me vient en tête, c'est que l'esprit va probablement créer des événements en choc pour amener la personne à la matérialité. C'est ça. Dans le sens que si la personne elle développe un problème de santé chronique parce qu'elle fait juste flotter, ben à un moment donné, ça va le faire réaliser l'importance de s'occuper plus de son corps, là. Ouais. Le ground, ça me fait toujours penser à l'électricité. Il faut toujours garder la prise électrique dans le mur, le ground, autrement dit, pour pouvoir co connecter à autre chose de plus grand. En tout cas, je l'exprime mal, mais c'est pas important. Oui, ben c'est parce que dans le fond, connecté à plus grand, le danger que cette expression-là, c'est comme voir l'ego comme étant plus petit puis l'esprit plus grand. Non, je parle de l'énergie. L'énergie de l'esprit est tellement grande, tellement grand comme électricité Oui, et c'est la que raison pour laquelle que. c'est très groundé pour être capable Oui, il faut de que l'ego mettre soit les limites. enraciné, c'est ça. Mettre les limites, c'est ça que je veux dire. C'est ça, il faut que je sois enraciné pour devenir aussi vaste en tant que réservoir, en tant que récipient. Que l'infinité de son être. En réalité, l'ego est appelé à devenir infini comme l'esprit pour que l'ego puisse se renouveler perpétuellement comme l'esprit lorsqu'il aura intégré et harmonisé sa psyché à sa dimension créative. Donc, l'ego, dans la forme dont tu le parles, ça devient un récipient très important à cette mécanique-là de réception d'énergie versus. Oui. OK. Intéressant. Oui, c'est ça. Ben, il y a une gradation, ce qui me vient en tête. C'est-à-dire, plus l'ego est capable d'encaisser des chocs énergétiques, plus que l'esprit peut descendre, puis plus qu'il peut fusionner, puis plus que l'ego peut avoir ensuite de l'accès à de l'énergie pour manifester sur le plan physique l'expression de son être intégral, c'est-à-dire lui, esprit. Donc, à ce moment-là, ben, l'ego transmute, il se développe, puis il gagne une densité énergétique qui va l'amener à être une expression de plus en plus créative sur le plan terrestre, là, sur le plan physique. Les chocs énergétiques dont tu parles, je trouve ça intéressant. Y a-t-il une limite à ça, là, à un moment donné, là? Ben, beau manger des chocs électriques, là, mais on peut-tu avoir la paix à un moment donné, puis ça se passe plus doucement? Ouais, non, je Genre. comprends ça. Ben, en fait, pour l'ajustement des chocs que l'ego subit, c'est sa capacité de contester l'esprit pour lui donner un retour vibratoire à partir de sa vibration. Parce qu'en réalité, quand il y a une descente d'énergie, l'ego qui va s'allumer intérieurement va pouvoir utiliser l'énergie de l'esprit tel un judoka pour le réajuster. Donc, il va y avoir une médiation qui va se vivre entre l'ego et l'esprit pour que les chocs ou le rapport de l'esprit soit plus ajusté. Mais le début du processus va occasionner des chocs qui habituellement sont forts parce que l'ego, il n'est pas habitué d'écouter l'esprit à la base, habituellement. Donc, c'est sûr que, tu sais, il va vivre plus que l'ego a peu de sensibilité, puis plus qu'il va avoir des chocs intenses pour le réveiller. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dort profondément, tu vois, tu peux y murmurer à l'oreille, réveille-toi doucement. Il se réveillera pas, non, ça prend une chaudière d'eau, puis tu lui envoies ça sur la tête. Donc, plus que l'ego est inconscient, plus que ça prend un choc à la mesure de son inconscience pour l'amener à s'éveiller, puis à mesure qu'il devient électrique, à mesure qu'il croît en sensibilité, en relation avec l'intégration d'énergie de l'esprit, puis moins les chocs intenses sont nécessaires pour l'éveiller, étant donné qu'il est déjà en état d'éveil, puis éventuellement, ça va être des micro-chocs Un peu comme l'image qu'on utilisait l'autre fois en disant que, bon, admettons, les initiés vont déchiffrer, je ne sais pas si c'est avec toi ou quelqu'un d'autre, là, ils vont défricher les gros volets de la forêt avec les gros arbres. Ensuite, les nouveaux initiés, ça va être les petits arbres, la petite branchaille. Bon, ben il y a un travail de raffinement qui se fait au fil du temps au niveau des chocs, ce qui fait que normalement, à mesure que la personne s'éveille, puis elle s'ouvre à l'intelligence de l'esprit, moins elle a besoin de chocs intenses pour s'y ajuster, puis éventuellement, ça devient une communication fluide, puis éventuellement, les chocs ne sont plus nécessaires parce qu'il y aura un point où que l'ego qui aura intégré l'énergie de l'esprit n'a plus besoin de chocs de l'énergie de l'esprit pour l'intégrer, étant donné que ça va être fait, donc ça va être un acquis. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu dans cette partie de ce processus-là qu'on arrive à horizontaliser le contact à ce moment-là? Oui, certainement, à égaliser la relation. Égaliser la relation, mais ce qui me vient en tête en lien avec les chocs, ce que ça me dit, c'est que c'est un petit peu comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, c'est difficile, il faut apprendre l'alphabet, il faut reconnaître des symboles. Puis c'est sûr que bon, la communication entre l'individu par l'esprit, c'est pas à travers des formes comme une langue, c'est vibratoire, mais c'est un petit peu une forme de communication. Puis au début, ben d'utiliser un premier mot, c'est difficile. Ensuite, on est capable de faire des phrases, puis ça devient de plus en plus facile. Puis avec le temps, ben la langue, on la maîtrise, donc ça devient de plus en plus spontané, ça devient clair, etc. Fait que c'est un petit peu la même chose. Lorsque les communications internes au niveau vibratoire s'installent, bon, on a sa reconnaissance, on a une sensibilité, on est habitué de travailler avec ça, puis à mesure que les années passent, puis le temps d'intégration se fait, ça devient de plus en plus simple et immédiat, puis de moins en moins d'interférences. Intéressant. Donc, on finit par convenir avec tout ça, puis c'est plus fluide. Ça devient fluide. Oui, bien, c'est-à-dire qu'avec le temps, l'ego en vient à accepter le processus parce qu'à mesure qu'il intègre l'intelligence de l'esprit, il réalise l'intelligence du processus par la même occasion, alors que lorsqu'il était affilié psychiquement dans le passé à l'intelligence astrale, il ne pouvait pas reconnaître l'intelligence du processus, étant donné qu'il n'avait pas accès à l'intelligence de l'esprit, puis les entités, même des celles du haut plan astral, n'ont pas accès à la compréhension de l'esprit, fait que l'intelligence de l'esprit échappe aux entités astrales, puis en même temps, les entités astrales ont des enjeux de pouvoir, étant donné qu'elles ont encore des orgueils, qui font en sorte qu'elles veulent garder leur mainmise sur l'individu et continuer à l'influencer, fait qu'eux autres vont amener au sein de l'individu des résistances pour empêcher la pénétration d'énergie psychique de l'esprit au sein de l'individu, parce qu'elles ne veulent pas perdre leur capacité d'influencer l'individu à travers le phénomène de la pensée subjective. Ils se nourrissent de ça, en fait, si je comprends bien. L'astral se nourrit de ça. C'est leur nourriture qu'on leur enlève, il faut comprendre ça. Oui, exactement, parce que l'astral, n'ayant pas accès à l'intelligence de l'esprit qui leur permettrait de connaître un renouvellement psychique perpétuel et créatif, à ce moment-là, se nourrissent des vivants pour compenser. Donc, c'est une compensation par rapport à un manque d'esprit, un manque d'intelligence créative. Donc, comme ils ne sont pas branchés à la source, ils vont parasiter l'énergie d'êtres humains qui sont en un contact à un certain niveau avec la source sur le plan terrestre. Ouais. Intéressant. Je voudrais revenir sur quelque chose à parler. Je ne sais pas si on est loin de ça. L'orgueil. Oui. Et ça me parle beaucoup, l'orgueil, moi, dans la vie. Dans le sens... Est-ce que c'est réel de dire que l'orgueil, c'est une des mécaniques les plus involutives qui existent sur la planète en termes astral? Oui, parce que dans un certain sens, on peut dire que l'orgueil, c'est la racine du mal, avec un grand M, de toutes les problématiques qu'on connaît sur le plan terrestre. Parce que l'orgueil, c'est, par exemple, un ego qui va se réfléchir, puis il va s'imaginer que c'est lui qui pense, c'est lui qui contrôle sa vie, c'est lui qui décide. Puis ça donne un faux sentiment de puissance. Puis si l'individu ne réalise pas que la pensée qui lui est cheminée dans la tête, qu'il fait croire en jeu que c'est lui qui pense, puis il ne réalise pas cette joute-là, cette game-là, ben il est manipulé. Puis à travers l'orgueil, ben c'est un mouvement pas de distanciation sociale, mais de distanciation de la source, dans le sens, c'est un mouvement de coupure. Ben c'est sûr que ça revient au principe de la rébellion de Lucifer, qui, voulant se couper de la hiérarchie cosmique, a voulu fonctionner d'une manière indépendante, puis créer un système différent. Donc, c'est comme la volonté qui est derrière ça, que moi, je suis supérieur à la source ou à l'esprit. C'est un mouvement de coupure de l'unicité de l'être avec le tout. C'est sûr que c'est un mouvement qui a permis l'individuation, Mais pour que l'individuation qu'on atteigne un seuil supérieur de développement, bien, éventuellement, l'ego doit se raccorder à sa propre source tout en conservant son individualité qu'il a développée dans le cadre du processus d'évolution. Donc, il doit être différent des autres tout en étant capable de bénéficier d'une intelligence artificielle, pas artificielle, mais une intelligence universelle qui le relie au cosmos et aux lois de la vie. Donc, autrement dit, à la fin du processus de l'évolution, puis à travers la remontée d'énergie dans le cadre du processus de l'évolution et de la fusion, l'ego doit en venir à un état où ce que l'ego, justement, est transparent, comme on le parlait tantôt, libre de l'orgueil qui l'amenait en état d'affiliation psychique avec les plans, les entités astrales, en opposition avec les lois cosmiques puis le plan éthérique. Donc, sortir de tout ça, donc être capable de composer, de convenir avec l'intelligence du plan éthérique, mais en conservant un état d'individualité qui lui est propre à la différence d'être de nature pré-personnelle, donc qui ne se sont pas personnalisés dans la matière et qui résident sur le plan éthérique et qui n'ont pas développé un sens d'identité propre aussi aiguisé que celui qu'a l'ego qui a passé à travers le processus de l'évolution. Je vais te titiller un peu, ça me titille. Oui, vas-y. Autant, l'explication, je la trouve intéressante, mais je la trouve très non appliquée. Je veux ça plus concret. Okay. Je veux amener ça un peu plus dans la matière. Oui, certainement. Mon cher David. L'orgueil, comment ça s'exprime présentement? Parce que je vois ça beaucoup dans le coaching encore, puis dans mes pratiques. Des gens très intelligents, mais qui tout à coup deviennent extrêmement orgueilleux inconsciemment, puis qui se mettent à vouloir dire aux autres quoi faire, comment penser, accuser. C'est assez surprenant pour du monde qui ont quand même on voit qu'il y a de l'intelligence, puis tout d'un coup, ça se vire de bord, puis ça devient extrêmement arrogant, orgueilleux. Ça te dit quoi faire, ça te dit comment penser, ça accuse l'autre. Voyons, les mécanismes de l'accusation, c'est déjà très astralisant. Oui. J'aimerais ça que tu me parles, vouloir avoir raison sur l'autre. Je vois ça beaucoup dans les échanges entre les gens. Oui. C'est de ça que je veux parler parce que je trouve que ça habite beaucoup de gens, même si on est très en mode de développement, présentement de conscience. Je trouve que ça habite. Puis je m'exclus pas du processus. Puis moi non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se parle. On est là pour s'ajuster aussi mutuellement. Mm-hmm. À travers la conversation, mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'en effet, il faut l'amener dans le concret aussi. Le jugement versus, oui. Tu sais, on parle des gens, tu sais, ils disent « Ah, mais c'est pas un jugement, je fais un constat. Minute, c'est quoi la nuance entre le jugement puis le constat? C'est subtil en titi, là. » Oui, bien c'est la vibration qui est derrière parce que tu peux dire que c'est un constat, mais il peut avoir une pointe d'orgueil qui est là, pointe de vibration de domination, tandis que l'autre peut dire que c'est un jugement, entre guillemets, objectif, puis ça se peut que il n'y a pas de vibration astrale comme ça. Mais c'est tout le temps vibratoire. Puis des fois, les gens peuvent interverser les mots. Tu sais, il y a une couple de semaines, j'ai eu une discussion avec des gens sur Internet parce que j'avais partagé sur Facebook une vidéo de Guylaine Langteau parce qu'elle avait fait une sortie en lien avec la crise du coronavirus. Puis, ça fait longtemps qu'elle dénonce l'Organisation mondiale de la santé. Oui, exactement. Madame. Puis elle, ce qui est intéressant pour en venir à mon point à l'égard des mots puis les vibrations derrière les mots, c'est que derrière le mot âme qu'elle va utiliser, tu sais, ce que j'expliquais à quelqu'un, elle va utiliser le mot âme, mais c'est comme le mot esprit que beaucoup de personnes vont utiliser dans le domaine du supramental, tu sais, ou concept de dièse. Mais comme j'expliquais que la personne, parce qu'elle a fait une contraction entre le mot Dieu et déesse, que la personne utilise le terme dièse ou esprit ou ajusteur de pensée ou double ou mon chameau. Si c'est vibratoire, c'est vibratoire pour décrire cette réalité-là. Puis si je sens que c'est à côté sa vibration, quand même que la personne n'ait pas le vocabulaire et la précision qu'avait, mettons, Bernard de Montréal, ou des formes totalement différentes, c'est intelligent. Je suis obligé de reconnaître que c'est intelligent, tu sais. Oui, on est dans le subtil quand on dit décoder la vibration derrière les mots. Les mots ont des ailes. C'est intéressant. Exactement, parce que moi, à un moment donné, il y a des Européens super bien articulés, ils m'envoient des beaux courriels avec des mots utilisés, mais Chris, ça ne vibre pas derrière. Fait que je trouve pas ça intéressant, tandis que tu en as d'autres qui sont moins articulés, ils font des fautes, mais je sens que c'est vibratoire puis c'est senti. Fait que je trouve ça plus intéressant, tandis que quelqu'un qui est très intellectuel va choisir l'autre qui est bien articulé, même si derrière ça, c'est plus de la masturbation de haute voltige. Oui, intéressant. Ben, Je reviens à l'orgueil, un Oui. petit peu, je veux en parler encore de ça. Je trouve intéressant cette mécanique parce que je le vois beaucoup dans les fréquentations de gens des dernières années. Mais Il y a toute tu le façon. voyais pas avant, Mona. Pardon? Tu voyais juste dans les dernières années, tu voyais pas ça avant, l'orgueil. Ben, j'étais assez crédule et naïve, moi, longtemps. En tout cas, j'étais un peu bizarre. OK, parce J'avais que beaucoup de temps à intégrer qu'il y avait du monde. OK, mais c'est correct parce que pour moi, l'orgueil est là depuis Oui. l'évolution, là. Ça fait des millénaires qu'il y a une problématique d'orgueil. Puis moi, quand je regarde les gens avec qui je fréquentais quand j'étais jeune, il y avait de l'orgueil. Là, présentement, il y en a de l'orgueil aussi. Puis dans le milieu de la conscience, des fois, je trouve ça Exact. drôle parce que je trouve que les gens sont pas moins orgueilleux qu'entre guillemets des individus normaux qui vont s'intéresser au hockey puis boire de la bière dans certains cas, tu sais. Non, je suis d'accord avec toi, mais comme moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le monde en processus de développement de conscience, comme moi je le suis. OK. Je tenais à en parler parce que je le vois s'exécuter beaucoup. Ben, moi, je le vois là sur des forums, entre guillemets, des Oui. forums en lien avec la conscience. J'en vois plein de manifestations d'ego puis d'orgueil. Mais la question que je me pose et Oui? puis je veux te poser, c'est, on convient que c'est un constat, il y a de l'orgueil dans la mécanique qui s'installe à un moment donné dans le processus de conscience. Maintenant, comment on peut se protéger de ça puis désamorcer ça? Ben, il faut être ouvert à le voir. Ça prend une ouverture d'esprit. Donc, c'est sûr que. Ça se pratique que ce soit pas vouloir raison sur l'autre aussi, des fois. Ben oui, c'est ça. Il faut être libre de l'esprit de domination. T'sais. Il ne faut pas chercher à Donc, avoir il faut avoir de raison à tout prix. l'incertitude pour toi pour arrêter d'affirmer ses zones. Comment? Ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui affirment sur d'autres. Ah, un tel, il n'est pas intelligent. Ah, un tel, Ah, ceci. Je oui. m'inclus, là. Non. Ouais, mais ça sous-tend qu'on est petit pois vert. J'ai pas, on a, d'après moi, l'orgueil, on peut la briser quand on arrête d'essayer d'affirmer sur d'autres des choses, puis Exact. qu'on développe pour soi-même notre propre certitude. C'est très C'est ça, puis en même individualiste. temps, mais il faut se mêler de ses affaires puis sortir de la Merci. comparaison. Oui, mais je dis ça parce que j'ai fréquenté beaucoup de gens, je vais le dire ouvertement maintenant, qui ont fréquenté Daniel Ménard. Daniel Ménard avait beaucoup de qualités, mais il y a quelque chose que j'appréciais pas beaucoup. C'était justement l'exercice qui disait de ne pas juger, mais de faire des constats, puis que ça finissait toujours en jugement ces autres. Et je vois ça encore exister beaucoup, puis ça me gosse. Voilà, je l'ai dit. Ça me gosse de voir ça. Moi, je pense que pour désamorcer ce genre d'attitude-là, si personnellement, qu'est-ce que tu en penses, tu me diras, Oui. si quelqu'un ne me questionne pas sur quelque chose qu'il veut comprendre, je ne m'en mêle pas. Autrement dit, je peux bien voir quelque chose. Mettons, on est sensible, on voit des choses. Mais si, j'échange avec David, mettons, je vois quelque chose. Mais si David ne me questionne pas sur qu'est-ce que tu en penses toi, de ce que je dis, je ferme ma gueule. J'ai rien à dire. J'ai pas à te dire, hey, j'ai vu ça chez toi. Ça m'énerve. Non, c'est ça, t'as pas offert ingérence, sauf si pour des raisons d'entente de travail, parce qu'on fait une fois de temps en temps des enregistrements, je te dis, écoute, Mona, si à un moment donné tu fais quelque chose que tu trouves qui est désajusté, gêne-toi pas pour me le dire. Donc, si une Non. entente comme ça, implicite ou en fait explicite, normalement, entre nous deux, de travail vibratoire, dans le sens qu'on travaille en alliance, dans une optique de faire monter la vibration au fil de nos échanges, là, à ce moment-là, on peut se dire des choses naturellement dans le respect mutuel, là. C'est ça, Mais dans le respect. Mais le respect, ça vient du fait que toi et moi, on a pris une entente de dire si tu trouves que je dérape, on a convenu de ça. Autrement dit, je te donne une autorité de corriger quelque chose chez moi. Mais si cette entente-là n'est pas disponible, n'a pas été faite entre les gens, ou entre deux personnes ou plusieurs personnes, c'est à ça que je m'attaque. Je suis un peu écœurée du monde qui attaque les autres sous prétexte qu'ils ont vu quelque chose, mais on n'a rien demandé. Ben, gardez pour toi, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Si la personne n'est pas capable de questionner sur ce que toi tu perçois, c'est qu'elle n'est pas intéressée à la réponse, tout simplement. c'est ça. Par Alors, contre, en même l'interprétation, temps, ouais, je c'est comprends la ce que. domination, c'est encore un jeu de pouvoir bien Ouais, subtil. je comprends ce que tu Voilà. veux dire. Par contre, la nuance que je ferais, c'est que si une personne est mise en vibration pour dire quelque chose à l'autre, puis ça vient de l'esprit, encore là, ça ne sera pas une attaque, mais ça va être plutôt de lui amener sur un point. Mais il faut qu'elle soit vraiment mise sur la vibration de l'esprit, tu sais. Moi, la façon que je le vois, c'est comme ça, là, pour interagir. Ouais. Ben moi, quand ça descend de même, c'est que ça me fait questionner l'autre et non affirmer sur l'autre. Ben, en fait, la personne qui est mise en vibration pour faire quelque chose par rapport à l'autre, moi, la façon que je le vois, qui est dans l'esprit, elle ne cherchera pas à affirmer sur l'autre, toi, tu es un trou de cul, puis tu es ci, puis tu es ça. T'sais, ça ne sera pas dans une optique du reproche. Mais ça va plutôt être à Maintenant, mettons. on n'a pas de mission, David, on n'a pas de mission. Moi, je vois, si mon contact me donne une information sur quelqu'un qui ne m'a rien demandé, je ne me mettrai pas en mission d'y dire, je suis désolée. Ah ben moi non plus, je ne me mettrais pas en mission de messie spirituel, sauver tout le monde. Sauf que le point, c'est que si ça me dit, bon, appelle telle personne parce que mets-la en contact avec tel autre, moi je peux regarder si c'est intelligent de le faire. Puis si je vois que vibratoirement, ça me dit oui, ben je peux le faire, mais tu sais, j'insisterai pas, là. Fait que. Ouais, ça, c'est un peu, c'est bien, c'est léger, mais il y a des fois des. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question, je ne veux pas insister davantage sur le point, mais ça a toujours, ça avait rapport avec l'orgueil, puis le. Mais c'est parce qu'il y a l'orgueil du savoir. Ça, c'est un autre aspect que je voulais parler Oui, avec voilà. toi. C'est que Merci. quelqu'un qui commence à goûter de l'esprit, il peut s'énerver rapidement, puis devenir un petit Joe connaissant, puis dire, ah, moi, Chris, je suis fusionné, puis je sais ci, puis je sais ça. Fait qu'il peut avoir rapidement un orgueil. À la minute que la personne goûte une goutte de créativité de l'esprit qui descend dans son canal, là, elle vit un petit peu une expérience, puis là, elle peut partir en paix avec ça. Puis précisément, couper son canal avec l'esprit pour en vivre d'autres d'une manière rapprochée. Fait que ça peut être récupéré par l'ego, dans le sens que, tu sais, quelqu'un peut avoir une idée pour une invention, elle devient super orgueilleuse, puis là, le canal est fermé, puis plus de sa vie, elle fait d'autres inventions parce qu'elle est occupée de se croire plus importante que les autres avec son invention, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est le C'est certain. danger qui guette toutes les personnes qui vivent le processus de la fusion au début. C'est-à-dire que l'énergie qui descend créative soit récupérée par l'ego qui va dire moi, je suis créatif, puis utiliser ça pour dominer sur d'autres qui n'ont pas eu accès à cette énergie-là ou à des informations occultes ou fait que pour faire de la domination. Ouais. Ça devient encore un jeu de pouvoir. C'est ça, c'est un peu à Exactement, ça parce que que. toute énergie créative qui provient de l'esprit peut être récupérée, un peu comme les avocats qui disent, hein? Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous, là. Vous avez le droit de Bien garder le dit. silence, là. C'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que toute manifestation créative de l'esprit peut être utilisée contre lui, un peu comme le plan astral qui peut récupérer toutes les mémoires qui sont en réalité le résultat d'émissions créatives de l'esprit dans le passé qui s'est manifesté sur le plan physique. Puis tout ça est récupéré par les entités astrales qui vont jongler avec ça pour manipuler l'être humain. Fait que c'est un petit peu le même principe. Quelqu'un qui goûte un peu de l'esprit de la créativité, ben. Si il est ben au début, il est orgueilleux, puis c'est normal, mais ben il peut utiliser ça pour se sentir supérieur à d'autres, puis chercher à dominer. Ouais. C'est ça, ouais, je comprends très bien. On part du petit pois vert jusqu'au gros pois vert pour trouver l'équilibre Ben c'est dans ça. certains Fait que cas. quelqu'un qui goûte un peu de l'intelligence, s'il n'intègre pas en simultané le processus, le principe en fait de l'amour de l'être humain pour l'être humain ou le respect de l'autre, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il peut être très intelligent sur certains points, mais il n'y aura pas l'ouverture à l'autre qui va faire, qui va être capable de mettre intelligemment cette intelligence-là en mise en échange avec l'autre, puis pouvoir échanger avec les gens au lieu d'imposer, là. Ben, l'antidote à l'orgueil, ça pourrait être le respect, développer du Ah, respect. c'est certainement. L'amour, le mot amour est tellement lourd C'est d'égrégore tellement galvaudé que c'est du n'importe quoi, là, tu sais. T'as l'amour de la bière, du chocolat, puis t'as l'amour de l'être humain. Oui, puis l'amour, présentement, sert à beaucoup écraser bien du monde. On s'aime donc pendant le COVID. Ah, c'est effrayant comme on s'aime. Ah, sans commentaire. Ben moi, je m'arrêterai là-dessus, David, parce que je trouve qu'on a fait pas mal de tours, de beaucoup de choses. C'est très intense. Puis comme je te disais, je commence à avoir les oreilles qui chauffent, je sais pas. Il y a aucun souci, Mona. Donc, ça m'a fait plaisir de réaliser cet autre Enfin. entretien avec toi. Moi, ça m'a stimulé vibratoirement de discuter avec toi. Et écoute, on peut rappeler aux gens en complétant l'enregistrement que tu es professeur donc de yoga et de pilates et que c'est possible d'entrer en contact avec toi. Donc, pour les gens qui aimeraient suivre des cours, de ce que j'ai compris, c'est que c'était des cours à la fois de groupe ou ça peut être aussi en individuel que tu offres. Oui, j'ai individuel, de groupe. Je fais aussi du coaching en psychologie évolutionnaire en individuel. Très ouverte à beaucoup de choses technologiquement. Messenger, ça peut se faire par Skype, ça peut se faire par Zoom ou dans mon studio, mais comme. confinement encore, ben, je ne peux pas accepter des groupes pour l'instant, mais mon studio va repartir tout va... quand ce sera le temps. Mais je suis disponible par courriel seulement, c'est important. Je ne réponds pas aux textos sur face de... j'allais dire face de bœuf, Face de Facebook. bouffe. Facebook, c'est face de bœuf, je ne sais pas, j'allais Face de pas dire bouc. face de Attends, c'est face de bouc, ouais. face... Facebook, mais c'est parce que ça m'éparpille, donc que par courriel. C'est bien Et mon parfait. courriel est... Ouais, donc Voilà. le courrier, je le mettrai en bas de l'enregistrement. Sinon, pour les gens qui écoutent mes enregistrements et qui les apprécient, ben, vous pouvez me faire parvenir de l'argent par le service sécurisé PayPal. Et vous allez retrouver également les informations en bas de l'enregistrement, advenant que vous avez envie de m'apporter votre soutien. Et on va compléter là-dessus. Donc, merci de t'avoir prêté au jeu, hein, de m'avoir posé des questions aujourd'hui. J'ai bien aimé ça. Merci David. Ça fut un plaisir de mon côté aussi. C'est la première fois que je fais ça et je trouve ça très intéressant. Je crois que si tu as envie, on reprendra un autre temps ce genre d'exercice. Certainement. Donc, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.